Deuxième partie, sur les Champs-Élysées. Je vous demande pardon, madame, je vous ai marché sur le pied. Il n'y a pas de mal. Excusez-moi, monsieur, est-ce que je peux passer? Faites, je vous en prie. Il n'y a plus moyen d'avancer. J'étouffe. Je ne vais absolument rien voir avec cette foule. Je t'en prie, Paul, tu ne vas pas te mettre à te plaindre. Ta mère et moi, nous avons passé un week-end si agréable sans entendre tes plaintes. Si j'avais su, je serais resté à la campagne. Je regrette bien d'être venu.